Jibril, mon parcours. Je voulais prouver qu'on pouvait rapper sans agressivité. Babylone a brûlé, un triste constat de cette société. Je parlais de la télé et de l'incitation à la consommation. La pub tue, je me suis lancé dans la dénonciation. J'ai toujours appelé à la paix, au mélange des cultures. Donc j'ai critiqué le nationalisme qui n'est qu'une ordure. Ils veulent nous exclure, je l'ai décrit et crié. Chacun ses coutumes, les tiennes tu ne dois pas nous les imposer. Et j'ai parlé du système scolaire, les cours ça m'a saoulé. Je comprenais pas que l'école, même pour le rap, ça pouvait m'aider. Plus simplement je me suis dit, l'école a plus de 50 ans, même les profs nous le disaient, ils préféraient enseigner avant. Donc pourquoi ne pas changer cet enseignement? Pour moi c'est un formatage, mais je dois passer par là maintenant. Puis j'ai rencontré un rappeur avec qui on s'est clashé. Aujourd'hui ça te ferait marrer, mais à l'époque je voulais m'entraîner. Au début je rappais pour rigoler et me divertir. Quand je battrippais le rap, me redonner le sourire. Mon but ultime était de faire passer des messages. Malgré mon jeune âge, je voulais passer pour un sage. Très vite mon loisir est devenu une passion. Que de bons souvenirs quand je réécoute mes chansons, moi je bossais mes textes quand le taf est leur cours. Mais grâce à ça aujourd'hui je te décris mon parcours. J'ai écrit pour t'inciter à écrire. Rapper c'est terrible, tes idées tu peux les décrire. Essaye toi aussi de faire de la chanson. Si je le fais c'est possible, je suis sûr que t'as de l'inspiration. Il y a eu aussi mon ego trip, ça s'appelait faut pas me clash. C'était le stéréotype du rappeur qui se fâche. J'ai accusé les médias qui t'incitent à rester chez toi. Ils instaurent un climat de terreur en parlant des attentats. En même temps t'as le choix entre la peste et le choléra. De la première à la sixième chaîne, le même discours sans morale. J'ai dénoncé la précarité des sans domicile en parlant de Gilles, le SDF qui traîne dans ma ville. Puis j'ai parlé des quartiers populaires dans Soldates. Une jeunesse énervée qui ne croit plus en vos promesses. Ça brûle des voitures pour pouvoir se faire entendre. Je n'incite pas à la violence mais faut les comprendre. Au début je rappelais pour rigoler et me divertir. Quand je battrippais le rap, me redonnait le sourire. Mon but ultime était de faire passer des messages. Malgré mon jeune âge, je voulais passer pour un sage. Très vite mon loisir est devenu une passion. Que de bons souvenirs quand je réécoute mes chansons. Moi je bossais mes textes quand le taf est leur cours. Mais grâce à ça aujourd'hui je te décris mon parcours. Aujourd'hui j'en suis là, y'a pas la forme et y'a le fond. Mais je m'en bats les couilles vu que je ne vise pas le pognon. Comme tu le sais déjà, mon rap est toujours militant. Je cherche à te faire réfléchir donc je reste conscient. Quoi que les gens pensent, mon expression est libre. À l'aide de mon micro, mes pensées je vous les livre. Le hip hop un art de vivre, j'ai commencé en 2006. Je dédicace ce son à tous mes auditeurs et auditrices. Ma première mixtape va s'appeler une partie de moi. Elle est gratuite donc mets-la vite dans ton MP3. Je remercie mes amis de m'avoir toujours soutenu, qui par tout temps me disaient vas-y lâche pas, continue. Mon but n'est pas de percer ni de faire carrière. La musique c'est mon plaisir, je l'apprécie à ma manière. Je reste authentique et j'essaye d'améliorer mon style. Voici mon parcours, c'est signé Jibril. Au début je rappais pour rigoler et me divertir. Quand je battrippais le rap, me redonnait le sourire. Mon but ultime était de faire passer des messages. Malgré mon jeune âge, je voulais passer pour un sage. Très vite mon loisir est devenu une passion. Que de bons souvenirs quand je réécoute mes chansons. Moi je bossais mes textes quand le taf est leur cours. Mais grâce à ça aujourd'hui je te décris mon parcours.